Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des dossiers les plus sombres de la Ve République et du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, l'assassinat de Jean de Breuil le 24 décembre 1976. Un prince est mort, pouvait-on lire dans la presse au lendemain du meurtre de cet homme à l'illustre patronyme, député de son état et figure clé de la droite orléaniste. Immédiatement, l'assassinat de Jean de Breuil fait la une de toute la presse. Et très vite, une seule et même question revient avec insistance. Pourquoi l'a-t-on froidement assassiné de 3 balles de revolver en pleine rue à Paris? Malgré une enquête judiciaire de longue haleine, un procès aux assises et 4 condamnations à de la prison ferme, cette question demeure 40 ans après les faits. Oui, car nombreux sont ceux qui considèrent que toute la lumière n'a pas été faite sur ce qu'on appelle depuis l'affaire de Breuil. Qui était ce Jean de Breuil? Sa mort résulte-t-elle de ses activités personnelles ou de ses activités politiques? Pourquoi, dès le début, le pouvoir semblait-il guider l'enquête de la police? Et pourquoi le procès des criminels présumés a-t-il été reporté après l'élection présidentielle de 1981? Autrement dit, existait-il à l'époque quelque chose qu'il fallait cacher ou quelque chose qu'il ne fallait pas trouver derrière le meurtre de cet homme de 55 ans, connu pour sa proximité avec le président Valéry Giscard d'Estaing? Après le récit, nous recevrons le réalisateur Francis Gillery. Il est l'auteur d'un documentaire qui revient justement sur les zones d'ombre de ce dossier. Pendant de longs mois, il a repris l'enquête, il a recueilli face caméra le témoignage de plusieurs protagonistes, dont certains s'expriment pour la première fois. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carat, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Laure Grand Besançon, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, vendredi 24 décembre 1976. En cette veille de Noël, les rues de la capitale sont quasi désertes. Les Parisiens ont pour la plupart quitté la ville pour fêter le réveillon. Il est 9h. Une Mercedes remonte au ralenti la rue des Dardanelles. Arrivée en haut de cette rue, elle marque un temps d'arrêt, puis repart brusquement. 20 minutes plus tard, au numéro 2, un homme d'une 50aine d'années sort d'un immeuble bourgeois. Vêtu d'un costume et d'un pardessus foncé, il ouvre la grille qui donne sur le trottoir. Il la referme, puis s'éloigne. Mais à peine a-t-il fait quelques pas qu'un autre individu surgit derrière lui. Surpris, l'homme en costume se retourne. Un semblant de discussion s'engage, l'échange est bref. Dans l'instant qui suit, l'homme repart et là, sans griller gare, le second individu sort un revolver de sa poche, il met en joue l'homme au costume sombre et tire à 3 reprises. Les détonations sont entendues par une voisine qui raconte la scène. J'ai entendu des coups de feu, j'ai eu peur. J'ai pensé à ma petite fille et à mon mari. Je me suis précipitée, mais quand j'ai tourné le coin, j'ai vu le monsieur qui s'écroulait. Il s'est écroulé d'un seul coup? Comme ça, il est tombé en arrière, il est parti. Et tout. Vous avez vu des gens courir? Vous avez pu voir? J'ai vu des gens qui se précipitaient pour voir ce que c'était. Alors moi, vers les gens, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne m'a répondu. Il n'est pas mort tout de suite, parce que comme moi on s'est précipité, on est venu après, je suis venu chercher mon mari, j'ai dit viens voir, on vient de tuer quelqu'un. Je le voyais, moi qui respirais, mais très difficilement. Vous savez, c'était par saccade. Puis là, ça ne coûte plus rien. Est-ce qu'il a pu dire quelque chose? Non, il n'a pas pu parler. À 9h25, quelques minutes seulement après les coups de feu, alertés par des riverains, la police arrive. Les agents découvrent alors, étendus, les bras écartés, l'homme au costume foncé. Celui-ci gît sur le sol dans une grande flaque de sang. Arrivé à leur tour, les secours constatent son décès. D'après les premières observations, il aurait été touché de plusieurs balles, une à la poitrine et une autre à la tête. Les policiers fouillent alors les poches du cadavre pour découvrir son identité. L'un des agents récupère un portefeuille. Il l'ouvre et découvre des cartes de visite, des tickets de caisse, la carte grise d'un véhicule Peugeot ainsi qu'une carte blanche aux insignes de la République française barrée en travers des couleurs bleu, blanc, rouge. La photo ne laisse planer aucun doute. Cet homme n'est pas un inconnu, c'est un député. Un député a donc été assassiné en pleine rue ce matin à Paris. Il était 10h, Jean de Broglie, député républicain indépendant de l'Eure, sortait d'un immeuble de la rue des Dardanelles dans le 17e arrondissement où il s'était rendu tôt dans la matinée. Député républicain indépendant de l'Eure, Jean de Broglie se rendait régulièrement dans cet immeuble de la rue des Dardanelles. Ce matin, il y est passé quelques minutes. Sa voiture, garée sur le trottoir du boulevard Pershing, n'est pas fermée et des dossiers à l'entête de l'Assemblée nationale indiquent que le député avait l'intention de se rendre à son bureau. L'enquête de la police judiciaire devra déterminer quels sont les mobiles de ce meurtre. Un meurtre que pour l'instant, on ne comprend pas, on ne connaissait pas d'ennemis aux députés de l'Eure. Un député abattu en pleine rue à Paris la veille des fêtes de Noël, l'affaire fait immédiatement la une des journaux et elle mobilise toutes les rédactions. Car au-delà de son statut et de ses fonctions politiques, le personnage de Jean de Broglie fascine l'opinion. Cet homme de 55 ans est l'héritier d'une très grande famille de l'aristocratie française de renommée internationale. Il porte d'ailleurs le titre de prince. Parmi ses ascendants, deux anciens présidents du Conseil, un maréchal de France, un académicien, un prix Nobel de physique, des ducs, des grands hommes et grandes femmes de lettres, comme Madame de Staël, s'il vous plaît. Dans leurs recherches, les journalistes découvrent même que ce Jean de Broglie est aussi le cousin, par alliance, d'un certain Valéry Giscard d'Estaing. Autrement dit, l'homme qu'on a assassiné en plein Paris et dont le corps gît sur le trottoir de la rue des Dardanelles est un membre de la famille du président de la République. Et comme le rappelle la journaliste Suzanne Gauthier sur France Inter, Jean de Broglie, marié et père de trois enfants, a assumé de nombreuses responsabilités nationales. Diplômé de l'École libre des sciences politiques, docteur en droit devint très rapidement maître des requêtes au Conseil d'État. Puis il fut attiré par la vie parlementaire et devint député indépendant de l'Eure dans la première circonscription d'Évreux le 30 novembre 1958. Il fut président de la Haute Cour de justice, secrétaire d'État au Sahara, au département et territoire d'outre-mer dans le cabinet de Michel Debré. Tout naturellement, il devint co-négociateur des accords d'Évian de mars 1962. Après un passage au secrétariat d'État à la fonction publique, il est réélu député de l'Eure. Georges Pompidou lui confie alors pendant 4 ans, de 62 à 66, le secrétariat d'État aux affaires algériennes, puis aux affaires étrangères. Il connaissait également la vie municipale, puisqu'il était maire de Debreuil depuis 1954. Dans les couloirs du Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, tout le monde connaît le visage et la silhouette du député Debreuil. Tout le monde sait qu'avant de s'être récemment rallié au RPR de Jacques Chirac, il a été pendant de longues années l'un des cadres des Républicains indépendants, le parti du président Valéry Giscard d'Estaing. Certains disent même qu'il a été, par le passé, le trésorier officieux de la campagne présidentielle victorieuse de 1974. Honnête homme, fidèle et loyal, dont on vante l'image de bon vivant, de député affable et de descendant d'une vieille noblesse d'épée, de robe, de science et de plume, ce même Jean de Broglie se retrouve, quelques heures seulement après sa mort, au centre d'une multitude de rumeurs, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Parmi les informations qui circulent dans Paris et qui arrivent bien sûr aux oreilles des journalistes, il y a celle selon laquelle, derrière ses habits de parlementaire, il serait en réalité un entrepreneur très désordonné. D'autres lui prêtent des relations douteuses avec une faune d'escrocs en tout genre. D'autres encore, toujours sous couvert d'anonymat, affirment qu'il aurait sollicité la pègre locale pour ses campagnes électorales. Enfin, on le soupçonne d'être au centre d'un commerce de vente d'armes internationales entre la France et des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Bref, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Reprises dans la presse, ces révélations font évidemment grand bruit. Autrement dit, les relations de la victime pourraient expliquer son assassinat politique, peut-être. À l'époque, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Edgar Faure, un personnage truculent doublé d'une intelligence exceptionnelle, un responsable politique version 4e et 5e République, pourtant si opposé, un homme très sensible à la direction du vent, bref un centriste des années 70, tout comme de Broglie, à qui ici, dans le 13h de France Inter, Edgar Faure rend hommage. Je suis très peiné, très ému, voyez-vous, je l'avais connu juste au moment où j'arrivais à l'Assemblée, il n'était pas encore député à ce moment-là. Et ce qui a de curieux, au cours d'une soirée où je me suis trouvé réuni pour la première fois, à la fois avec Jacques Duhamel, Valéry Giscard d'Estaing et Jean de Broglie, dont nous déplorons aujourd'hui la fin tragique. Par la suite, je l'avais revu assez souvent, bien qu'il n'ait pas travaillé directement avec moi, à la différence des deux autres personnes que j'ai nommées. Et j'avais apprécié son action, notamment aux affaires étrangères et au moment des accords pétroliers franco-algériens, dont j'étais le rapporteur. récemment, et tout récemment encore, nous avons déjeuné ensemble à l'occasion de la venue d'une délégation de parlementaires soviétiques, étant donné qu'il était président du groupe parlementaire franco-soviétique. Je suis atterré par cette nouvelle. Lundi 27 décembre, au 36 quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire, l'heure est grave. Pensez donc qu'un député assassiné en plein cœur de la capitale, on croirait l'Italie des années de plomb. Voilà une affaire bien embarrassante et surtout sans précédent dans l'histoire de la Ve République française. Au troisième étage du bâtiment, devant l'ancienne bleue de la brigade criminelle, c'est l'effervescence. Malgré les fêtes de fin d'année, tout le monde est sur le pont. Dans son bureau, le commissaire Ottavioli, le chef de la crime en charge de l'enquête, sait qu'il doit agir vite pour éviter un raz-de-marée médiatique. Car sous ses fenêtres, quelques mètres plus bas, à proximité des grilles et malgré le froid, des dizaines de journalistes font déjà le siège et réclament des informations. Le jour même, une nouvelle et mystérieuse rumeur se diffuse dans la presse. Les hommes du 36 auraient déjà reçu, durant le week-end, une information de la part d'un indique sur l'affaire de Breuil. On apprend ensuite que les hommes de l'anti-gang, sous la houlette de Robert Brossard, patrouilleraient en Paris avec les hommes de la brigade criminelle à la recherche de certains individus en lien avec le dossier de Breuil. Une seule chose est certaine pour l'instant, et on la tient de la bouche du commissaire Ottavioli, Jean de Breuil connaissait vraisemblablement son assassin. Autrement dit, il est tombé dans un guet-apens. 24 heures plus tard, après une journée et une nuit de traque, les limiers de la crime interpellent 8 personnes. Celles-ci débarquent sous l'œil des photographes de presse, menottes au poignet, dans les bureaux du 36. Selon les dires d'un policier, l'une d'entre elles serait le conseiller juridique du député, un nommé Pierre de Varga. De surcroît, c'est la dernière personne à avoir vu le député en vie ce matin du 24 décembre, car Jean de Breuil sortait précisément de chez lui lorsqu'il a été assassiné. En milieu de journée, sur TF1, le journaliste Alain Devers fait le point sur l'enquête et sur cette vague d'arrestations. Vous savez, dans cette affaire, les policiers marchent sur les œufs et pas grand-chose ne filtre. Il y a des présomptions pour que le tueur se trouve parmi les 8, a dit M. Ducret, le patron de la PJ, mais c'est tout ce qu'il a voulu dire. Cependant, les enquêteurs sont maintenant persuadés que le député de l'heure a été assassiné par un tueur ou un commando de tueurs à gages. Le crime passionnel, le crime politique, c'est maintenant exclu, reste l'argent. Les affaires, le crime d'intérêt. Aucune profession, avait déclaré Jean de Breuil sur la fiche qu'il avait remis à l'Assemblée nationale lors de son élection. Et pourtant, outre les immeubles à Paris, son château et ses 1500 hectares de terre et de forêt en Normandie, le député avait récemment pris des actions dans le célèbre restaurant de la reine Pédoc et dans une société de prêts et de crédits. Certains hommes d'affaires dont il s'était entouré n'avaient pas précisément une réputation de grande probité. On parle aussi pêle-mêle d'affaires d'armes, de drogue et d'immobilier. Mais tout cela n'a pas encore reçu le plus petit commencement de preuve. La police compte entendre un certain nombre d'autres personnes cette nuit. Et le commissaire Ottavioli nous a affirmé tout à l'heure au téléphone que demain matin, on y verrait certainement plus clair. Le lendemain, effectivement, mardi 29 décembre 1976, 5 jours seulement après l'assassinat en pleine rue du prince Jean de Breuil, ce que le tout Paris compte de journalistes, a rendez-vous place Beauvau au ministère de l'Intérieur pour une conférence de presse au sommet. Initialement, celle-ci devait porter sur des questions de sécurité générale. Mais face à l'actualité brûlante de ce qu'on appelle désormais l'affaire de Breuil, il a été décidé que le ministre répondrait aussi aux questions des journalistes sur l'avancée de l'enquête. Dans la grande salle d'honneur, transformée pour l'occasion en salle de rédaction ambulante, entre les câbles des micros, les trépieds des caméras de télé et les carnets des reporters, se dresse un bureau recouvert d'un drap blanc. À 18h, la grande porte s'ouvre et le maître des lieux, le ministre de l'Intérieur Michel Poniatowski, fait son entrée. Deux hommes l'accompagnent. Le premier, c'est le commissaire Jean Ducret, le chef de la police judiciaire. Le second, c'est le commissaire Pierre Ottavioli, le patron de la brigade criminelle, celui qui supervise l'enquête. Le ministre s'assoit à la table, les deux policiers se placent à ses côtés. La scène a quelque chose de théâtral, et la tension qui règne dans la salle à ce moment précis est perceptible. Une fois les micros branchés, les caméras allumées, le calme revenu, le ministre de l'Intérieur prend la parole et livre les conclusions de l'enquête, déjà. Et vous allez l'entendre, comme vous entendrez aussi les voix des commissaires Ducré et Ottavioli, 5 jours seulement après l'assassinat de Jean de Breuil, rappelons-le, l'élite de la police française semble sûre d'avoir mis la main sur les coupables. Le coup de filet est complet. Toutes les personnes impliquées sont maintenant arrêtées après l'arrestation de M. de Varga. Le mécanisme était extrêmement simple. Il y avait un prêt contracté auprès d'une banque avec la caution de M. de Breuil et remboursable par M. Varga et M. Ribémont. Monsieur le commissaire, qui était le personnage clé de cette affaire de Je pense que ce devait être M. de Varga. M. de Varga. L'instigateur, M. de Varga, et son acolyte, M. de Mirbon, sont les instigateurs de l'assassinat. L'organisateur, c'est l'inspecteur Simonet, et l'assassin, c'est M. H. Dans la salle, les journalistes sont stupéfaits, car en l'espace de quelques minutes, le ministre de l'Intérieur vient de sortir de son chapeau le mobile du crime et de sa manche le nom des accusés, instigateurs et exécutants compris. Du jamais vu pour un dossier criminel. On a également rarement vu un tel pillage de la séparation des pouvoirs, ferment de la démocratie. D'ailleurs, ce même Michel Poniatowski avait déjà dit dans le dossier de l'assassin d'enfant Patrick Henry, pour lequel il avait déclaré tranquillement « Si j'étais juré, je prononcerais contre lui la peine de mort ». Bien, résumons. Ça veut dire, décryptons d'abord les surprenantes explications données par le ministre de l'Intérieur. Selon ces déclarations appuyées par les commissaires Ducré et Ottavioli, l'enquête des policiers de la crime conclut que le mobile du meurtre du député Jean de Breuil serait lié à un contentieux privé. Comprenez, une affaire de droit commun, qui n'a donc rien de politique. C'est une histoire d'argent, voilà. En toile de fond, un emprunt de 4 millions de francs contracté à la BNP par 3 personnes dont les intérêts financiers sont liés. Le député Jean de Breuil, son conseiller Pierre de Varga et un troisième homme, un entrepreneur du nom de Patrick Alné de Ribemont. Ce prêt a permis l'achat d'un restaurant à Paris, la Reine Pédoc. Et ce même prêt était assorti d'une assurance vie sur la tête du député de Breuil. Autrement dit, si celui-ci venait à disparaître, ses deux associés n'auraient rien à rembourser. C'est cela aussi les années Giscard, de bons centristes bourgeois et présentables au pouvoir, mais mieux vaut ne pas gratter le vernis. À cette histoire vient se greffer, toujours selon le ministre, un inspecteur de police, un dénommé Simonet, qui aurait organisé le guet-apens contre le prince de Breuil sur ordre de Varga et Ribemont. Dernier personnage, un jeune voyou de bas étage, du nom de Gérard Fraîche. C'est lui qui aurait tiré les coups de feu sur le député rue des Dardanelles. Voilà, circulé, la police a ficelé son dossier avec brio en l'espace de 5 jours. Voilà le seul message que le zélé Poniatowski apporte aux journalistes avec un tel aplomb qu'il provoque l'effet inverse. Bien sûr, les journalistes doutent, et plus que ça même. Car si elle est retenue par la justice, cette piste, celle du règlement de compte sur fonds de prêts bancaires, élude tout aspect politique du dossier et donc toute question sur les activités troubles du député de Breuil au service de son ancien parti, les Républicains indépendants, le parti, rappelons-le, de celui qui est à ce moment précis le chef de l'État, Valéry Giscard d'Estaing. Tout cela est tellement cousu de fil blanc que cette affaire ne pouvait pas en rester là. Et de fait, les rebondissements à venir seront spectaculaires. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. Mais j'ai trouvé dans mon carnet à spirale mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai un an fouillé tous nos secrets, je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins parfaits. Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. J'ai encore perdu ton amour, c'est vrai. Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je veux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Mercredi 30 décembre 1976, l'affaire De Breuil, du nom de ce député assassiné en plein Paris quelques jours auparavant, fait toujours la une de la presse. De son côté, la magistrature s'insurge contre la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur, lui qui avait parlé la veille devant la presse d'un coup de filet complet. L'Union syndicale des magistrats monte au créneau et dénonce un manquement extrêmement grave à l'article 11 du Code de procédure pénale, autrement dit une violation du secret de l'instruction. Pour le ministre de la Justice, Olivier Guichard, que je cite, « Affirmer la culpabilité de quelqu'un ou le mettre en accusation, c'est le rôle d'un juge, pas le rôle d'un ministre. » Or ici, les noms des personnes citées devant la presse n'ont même pas encore été déférés devant un magistrat. Alors, comment peut-on statuer sur leur culpabilité ? Et puis, sur le fond, la fille de Pierre Varga, Pascal, rappelle que son père n'avait aucun intérêt à ce que Jean De Breuil soit assassiné. Pascal De Varga, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer si haut que votre père et M. de Ribemont sont innocents ? Eh bien, tout d'abord, l'absence de mobile, puisqu'en fait on parle d'intérêt. Et que ni M. de Ribemont, ni mon père ne tireront un profit, quel qu'il soit, de cet assassinat. Et ça, vous le prouverez? Ça, la défense le prouvera. Et je suppose que l'enquête même de M. le juge d'instruction le prouvera également. Enfin, je ne sais pas si la presse a eu entière satisfaction des réponses qui ont été données dans cette enquête, mais il me semble qu'en 5 jours, tout ça est un petit peu... léger. Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi M. de Ribemont et votre père sont en prison ? Eh bien, si je m'en réfère à ce qui est réel, M. de Ribemont est inculpé de détention d'armes. On ne parle pas de l'affaire De Breuil. Et en ce qui concerne mon père, il est en garde à vue pour une autre affaire dans laquelle il témoigne d'un de ses clients. Pour tirer au clair cette affaire décidément très médiatique, on nomme le juge Guy Flock à la tête de l'instruction, un magistrat chevronné et respecté. Dans les semaines qui suivent, il reçoit et interroge dans son bureau du palais de justice de Paris Pierre de Varga et Patrick Ledribemont, les deux commanditaires présumés de l'assassinat. Face au juge, tous deux nient farouchement toute implication dans l'affaire et affirment qu'il s'agit là d'un complot. Entendu à son tour, l'inspecteur Guy Simonet, l'organisateur présumé de l'assassinat, assume sa part de responsabilité. Oui, c'est bien lui qui conduisait la Mercedes qu'on a vu passer rue des Dardanelles, quelques minutes seulement avant le drame. Mais c'est Pierre de Varga, le principal responsable, dit-il. Oui, c'est lui qui m'a mis la pression pour tuer De Breuil. Il disait que les ordres venaient d'en haut, de très haut, déclare Simonet au juge. Le magistrat lui répond, mais enfin, qui est ce là-haut, monsieur Simonet ? Il n'obtiendra aucune réponse. Dernier à être auditionné dans le bureau du juge Flock, Gérard Fraîche, le tireur. Le jeune homme reconnaît d'emblée être l'auteur des coups de feu et explique qu'on lui avait promis un peu d'oseille, pour reprendre ses mots. Mais surtout, Fraîche prétend que Guy Simonet lui avait dit que de toute façon, ils étaient super couverts et que les ordres venaient d'en haut. Ça recommence, en haut, toujours c'est en haut, là sinon. Mais l'enquête de la brigade criminelle élude soigneusement cet aspect pour se concentrer uniquement sur les personnages de Pierre de Varga et Patrick Ledribemont. Mais 6 semaines plus tard, après plusieurs auditions, ce dernier est relâché à la surprise générale. À sa sortie du palais de justice, il clame haut et fort son innocence. Bien, alors, est-ce que vous pensez maintenant que M. Pierre de Varga va être libéré à son tour ? À partir du moment où tombe le motif de la reine Pédoc, il n'est pas possible qu'on continue à affirmer une telle thèse. Oui, alors cette affaire de Breuil apparaît bien ténébreuse. Que seront ses développements maintenant ? Je rends simplement hommage à l'intégrité et à la parfaite indépendance du juge, qui m'avait dit au début, je ne vous lâcherai que si je sais que vous n'avez rien fait. Et en conséquence, comment voulez-vous, après 2 mois et plus de détention, que j'ai une idée quelconque sur la question ? Est-ce que vous avez, vous, une idée sur les raisons qui ont conduit à l'assassinat du prince de Breuil ? Je ne peux pas le savoir. Comment voulez-vous que je le sache ? Si la police n'est pas capable de le trouver, j'en suis encore plus incapable. En ce début d'année 1977, dans la presse, les articles sur l'affaire de Breuil se suivent et se ressemblent. Tous les grands quotidiens sont au diapason et chacun rivalise de critiques sur la gestion du dossier. La police d'abord, qui n'explorait qu'une seule piste, celle du crime de droit commun, celle défendue par le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski. Une version qui semble arranger tout le monde, et en particulier le pouvoir politique. Également critiquée dans la presse, l'autorité judiciaire, celle qui devait remettre en question les soi-disant preuves qu'on lui présente et qui semble travailler de concert avec la police sans chercher à aller plus loin. Pendant les mois, puis les années qui suivent, l'enquête du juge Flock se poursuit dans l'ombre. Par la voix de son avocat, un certain Robert Badinter, la famille de Breuil maintient la pression pour que l'instruction aboutisse et qu'un procès ait lieu. Il faudra pourtant attendre 4 ans pour que l'affaire fasse un retour spectaculaire à la une de l'actualité. Le journal Jean-Luc Hesse. 16 jours avant l'assassinat de Jean de Breuil, la police savait que le député de l'Eure risquait d'être tué. Voilà ce qu'affirme aujourd'hui le Canard enchaîné. L'hebdomadaire précise même que les tueurs et les instigateurs du crime étaient identifiés. Pourtant, affirme le Canard, 16 jours avant l'assassinat, la police ne bouge plus, cesse toute filature et n'assure même plus la protection du député de l'Eure. Avril 1980, un an seulement avant la présidentielle de 1981, l'affaire de Breuil revient sur le devant de la scène, traînant derrière elle un parfum de scandale, un scandale d'État. En effet, les autorités sont obligées de reconnaître que les documents publiés par le Canard enchaîné sont authentiques. Signés de la main d'un inspecteur de police, ils prouvent que le directeur de la police judiciaire, Jean Ducret, était au courant des menaces qui pesaient sur la vie de Jean de Breuil 3 mois avant son assassinat. Alors, la police a-t-elle laissé s'accomplir le crime ? Ou pire encore, l'a-t-elle couvert ? S'interrogent les journalistes du Canard. On ne l'apprendra plus tard, et bien plus tard, mais selon plusieurs journalistes, ce serait vraisemblablement Roland Dumas, alors avocat de l'un des deux accusés, de l'inspecteur Guy Simonet en l'occurrence, qui aurait transmis aux journalistes du Canard ce précieux document. Dumas, un intime du candidat Mitterrand, qui deviendra par la suite son ministre, a-t-il participé à faire du dossier de Breuil une astucieuse opération de déstabilisation politique contre le président Valéry Giscard d'Estaing ? Un homme déjà empêtré dans un autre scandale, celui des diamants de Bokassa. Après les révélations du journal satirique, la colère monte. Parmi les journalistes, les intellectuels et membres de la société civile, de nombreuses voix s'élèvent et n'hésitent plus à parler de mascarade et de manipulation. Dans toutes les mémoires, le souvenir de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka et les fausses accusations de scandale sexuel de l'affaire Markovic, tout cela est encore vif. Deux dossiers qui avaient fait couler beaucoup d'encre dans la presse et qui avaient démontré les pratiques occultes de la police, parfois, et des hommes du renseignement, parfois également, au service du pouvoir. Alors qu'en ce printemps 80, les débats sur l'affaire de Breuil font rage, l'humoriste Coluche, lui, s'empare du sujet sur les planches des cafés-théâtres et démontre, avec humour, son aspect saugrenu. Affaire de Breuil. Ça s'écrit de Broglie. C'est des noms de faucheton, ça s'écrit pas comme ça se prononce. C'est comme les Russes sur le maillot, il y a écrit CCCP au lieu du RSS. Les Mexicains croyaient que c'était Coucou ou Coucou Paloma. Affaire de Breuil, l'affaire avance, mais la police recule. Comment voulez-vous qu'ils savent ? Je vais vous raconter toute l'histoire. Parce que, en fait, Poniatowski, il avait dit à un mec, écoute, je te dis rien. Le mieux, c'est que tu lui répètes. Mais tu dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, surtout. Hein. Au même moment, à l'Assemblée nationale, de nombreux parlementaires de gauche affichent clairement leur position. L'affaire de Breuil n'est plus une simple affaire de droit commun. Non, elle porte désormais les traits et les formes d'une affaire d'État. Le député PS, Gaston Defferre, dépose une proposition de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de l'ancien ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, pour violation du secret de l'instruction, non-assistance à personne en danger, ainsi que détournement de documents et faux témoignages. Le 20 avril 1981, à la veille du premier tour de la présidentielle, la commission emmenée par Gérard Longuet, un proche de l'ancien ministre Poniatowski, rend ses conclusions. Faute de preuves apportées, elle rejette la proposition visant à traduire en justice l'ancien ministre Poniatowski, devant, précisément, la Haute Cour de justice. Le procès de l'affaire de Breuil s'ouvre enfin le 4 novembre 1981 à la Cour d'assises de Paris. La presse a fait le déplacement, bien sûr, pour suivre l'épilogue tant attendu de cette affaire de meurtre devenue au fil du temps affaire d'État. Depuis l'élection présidentielle, 6 mois plus tôt, c'est désormais François Mitterrand qui occupe le palais d'Élysée. Dans ce contexte nouveau, on va peut-être enfin savoir la vérité. Toujours est-il que l'audience débute dans un climat très houleux, car le président de la cour d'assises n'est pas convaincu par le dossier judiciaire qu'on lui présente, et même, il accuse. Madame, monsieur, bonsoir. Le président de la cour est tombé sur la tête. Telle a été la première réaction de Michel Poniatowski, l'ancien ministre de l'Intérieur, à l'étonnante déclaration que M. Giresse, le président de la Cour d'assises de Paris, qui juge l'affaire de Breuil, a faite hier. Vous savez que le président a comparé l'affaire à un Watergate français et qu'il accuse M. Poniatowski d'avoir menti par omission et les différents services de police de ne pas avoir fait leur devoir. En réalité, malgré les critiques contre la police et l'ancien ministre de l'Intérieur prononcées par le président de la Cour d'assises, ce procès express tourne vite au simulacre de justice et ne permet pas de lever les véritables responsabilités dans ce dossier. En effet, certains témoins convoqués par les avocats de la défense pour leur rôle supposé dans l'affaire ne se présentent pas. La piste évoquée par Roland Dumas, l'avocat de Guy Simonet durant les audiences, celle d'un possible règlement de compte pour une affaire de détournement de fonds international, n'est pas explorée. Quant à l'avocat de Pierre de Varga, il a beau remettre en cause l'absence de mobile et la faiblesse des preuves à charge contre son client, personne ne semble vouloir l'écouter. 3 semaines plus tard, le 23 décembre 1981, le président de la cour d'assises, André Giresse, livre le verdict tant attendu du jury et clôt le volet judiciaire de cette affaire, car à l'époque, la procédure d'appel n'existe pas en assises, il n'y a que la cassation, et pour vice de forme. Bref, 10 ans de réclusion criminelle pour chacun des 3 accusés, Fraîche, Simonet et Varga, une sorte de condamnation au bénéfice du doute, affirmeront certains journalistes. Quant à Patrick de Ribemont, il avait obtenu un non-lieu quelques mois plus tôt. Et il fera même condamner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect de la présomption d'innocence. Depuis sa sortie de prison, l'ancien inspecteur de police Guy Simonet, condamné au titre d'organisateur de l'assassinat, est revenu sur ses précédentes déclarations. Il clame désormais son innocence et parle d'une machination. Aujourd'hui, 40 ans après l'assassinat de Jean de Breuil, des zones d'ombre subsistent et le mystère demeure. Cette affaire a trouvé sa place, comme d'autres, au rayon des meurtres non élucidés et des mystères perpétuels. Isn't anybody gonna move? I lost my soul. scope I've ever seen. Those concentrating, dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire De Breuil avec notre invité, le réalisateur Francis Gillery. Bonjour. Bonjour. Alors, j'appelle que vous êtes l'auteur d'un documentaire qui revient sur les zones d'ombre de ce dossier. Pendant de longs mois, vous avez repris l'enquête, vous avez recueilli face caméra le témoignage de plusieurs protagonistes, hein, dont ce qu'on pourrait appeler des protagonistes clés. Certains s'exprimaient pour la première fois. Ce documentaire s'appelle « L'assassinat de Jean De Breuil, une affaire d'État ». Parce que peut-être... C'est saisissant. Peut-être que l'histoire que nous venons de raconter, aussi intéressante soit-elle, n'est pas l'histoire que vous avez découverte. On y reviendra. Mais enfin, 40 ans après les faits, quel était le climat autour de cette affaire quand vous avez travaillé? Quelles ont été vos conditions de travail? J'imagine que ça n'a pas été forcément simple. Oui, vous avez raison, ça n'a pas été simple. En fait, j'ai abordé cette affaire comme une affaire historique. C'est 40 ans, ça appartient à l'histoire. Absolument. Mais j'y ai pratiqué une enquête, comme j'en fais habituellement sur mes précédents films. Et là, j'ai découvert, quand même avec une grande surprise, que 40 ans après, l'affaire était toujours, comme on dit, chaude. Sensible. On peut dire ça ici. Hein. Ouais, on peut le dire. Et que ça a eu pour conséquence de me compliquer un peu la tâche, et d'autre part, de voir s'évanouir dans la nature un certain nombre de témoins qui avaient promis de me parler. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont rétractés, ils se sont dit, oula, c'est dangereux, vous avez senti... Parce que quand on dit, oui, je veux bien parler, et puis qu'on se rétracte, c'est qu'entre eux, il s'est passé quelque chose. Oui, absolument, alors qu'ils soient... du monde politique ou du monde des affaires, ce sont des gens qui ne se sont pas exprimés. Donc, je vais pas les nommer, mais oui. J'ai été, ma tâche a été compliquée aussi par ça. C'était pas dramatique pour ma construction puisque j'avais évidemment d'autres gens à qui je voulais faire appel. Mais voilà, il faut savoir que c'est une affaire qui n'est pas close. La justice s'est prononcée il y a 35 ans. Oui. Donc, c'est clos. La famille n'a pas poursuivi demande d'investigation, ce qui n'est pas le cas dans d'autres affaires aussi proches. Hein. Vous avez 2 ans et demi plus tard, c'est l'affaire de la mort de Robert Boulin. Bien sûr. Bon, là, on en parle toujours aujourd'hui, oui. Mais la famille fait toujours des demandes d'instruction. Il y avait des suppléments d'informations. Là, Là, il n'y en a pas eu. Donc l'affaire s'est éteinte. Et donc on est rentré effectivement dans l'histoire sur une affaire qui s'est close et dans les termes de ce que vous avez exprimé tout à l'heure, qui est une affaire médiatique invraisemblable. Hein. Il faut s'imaginer qu'à l'époque on en parlait dans les premiers mois, tous les jours. À la télévision, c'était des séquences qui pouvaient durer au journal 20 minutes, 25 minutes, et où, je dois le dire, on est surpris de voir avec quelle liberté les journalistes à l'antenne, que ce soit sur TF1 ou sur Antenne 2 à l'époque, critiquent l'enquête. C'est les années Giscard, faut oui, le rappeler quand même. Oui, hein. C'est les années Giscard. Après l'éclatement de RTF, notamment, il y a peut-être une libération de la parole, je ne sais pas. Alors, je crois qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui. Ah, carrément. Oui. Et c'est dû à quoi? Mais c'est ce que vous dites, il y a eu une libération et tout d'un coup on s'est cru, on pouvait tout dire. En fait, non, on a resserré les boulons après. Bon, alors, on va rentrer un petit peu dans, mais même complètement, dans ce que vous allez révéler demain sans trop déflorer non plus, parce que les spectateurs de France 3 peut-être ont envie de suivre tout ça étape par étape. Anecdote étonnante tout de même, au moment où vous enquêtiez, je crois savoir qu'un des deux fils, que les deux des fils de Jean de Breuil ont reçu un étonnant message d'un émissaire de Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Effectivement, je vois de quoi vous parlez. Alors, ça, c'est consécutif précisément à une de ses défections. C'est-à-dire que j'étais en relation avec un homme politique de l'époque, proche de Giscard d'Estaing, qui m'avait donné son accord. Et quelques semaines plus tard, il s'est rétracté. Dans le même temps, les fils de Valéry Giscard d'Estaing reçoivent un émissaire. De Jean de Breuil. Alors, les fils de Jean de Breuil, pardon, vous avez raison. Reçoivent un émissaire de Valéry Giscard d'Estaing qui les invite au thé. Et leur transmet ce message. Le président vous prie d'accepter ses excuses de ne pas être venu aux obsèques de votre père. Et c'est-à-dire 40 ans plus tôt. Et d'ailleurs, aux obsèques, il n'y avait personne. C'est-à-dire alors, est-ce que ça veut dire qu'il fallait, même mort, ne pas s'approcher de Jean de Breuil? Ah oui, absolument. C'était comme le disait, il le dit dans le film, le journaliste du Monde, Michel Bolle-Richard, Jean de Breuil était un pestiféré, considéré comme tel. Alors, dire qu'il n'y avait personne, c'est pas vrai. Il n'y avait personne du gouvernement. C'est ça, oui, quand je dis personne. Voilà, alors que, évidemment, toute sa circonscription était là. Oui. Il y avait vraiment un enterrement familial. Et L'attachement à un homme, absolument. De proximité, mais il n'y avait pas les gens du gouvernement. Mais tous ceux qui était évidemment proche de lui dans la politique, n'était pas là. Et notamment le gouvernement, mais alors, on a bien compris, c'était sur ordre qu'il n'était pas là. Ouais. Un petit détour quand même par la personnalité de Jean de Breuil. Qu'est-ce qu'on vous en a dit, vous, de cet homme-là? Ah bah écoutez, des contemporains, il n'y en a plus tant que ça. Mais ce que je retiens, c'est que c'était un homme très cultivé, un homme vraiment proche du peuple, comme un bon aristocrate qui savait rendre des services, qui était surtout un grand naïf. Alors, on le décrit comme affairiste. Mais c'était un aristocrate qui avait des problèmes d'argent. Et sa solution, je dois le dire sans atteinte à son honneur, mais il prêtait son nom en fait. C'est-à-dire qu'il prêtait son nom dans des affaires privées, la reine Pédoc en est un, c'est-à-dire qu'il était caution de prêt. Un prêt qui est cautionné par Jean de Breuil, les banques accordaient les prêts systématiquement sans regarder. Mais il apportait aussi le crédit de son nom sur des affaires internationales. Et donc, sur des affaires internationales qui ont concerné directement le financement du parti Les Républicains Indépendants de Valéry Giscard d'Estaing. Nous y arrivons. Alors, ce dont on n'a absolument pas parlé pendant toute la période que vous avez décrite en instruction. En revanche, il faut que je le signale aussi, on n'en a pas parlé, mais quelques jours après l'assassinat du prince, le journal Le Monde publie les noms, les sociétés qui sont concernées par le grand scandale qui est la cause de la mort du prince. Et ça n'a pas eu de suite. Le Monde était au courant. Alors, d'autres étaient au courant, bien sûr, et on va revenir maintenant avec vous sur ce que vous avez découvert. Alors, il est bien entendu que lorsque nous faisons un récit, nous donnons les éléments d'information qu'on avait à l'époque. J'ai bien compris. Bien, donc il y a le coup de cette balle, moi j'ai dit plusieurs balles, parce que c'est ce qu'on savait et c'est ce qu'on a cru savoir pendant 40 ans. Ce qu'on a toujours dit d'ailleurs. Et vous avez découvert autre chose. Oui, parce que en fait, j'ai eu accès, véritablement un accès libre à la totalité du dossier. Là, ça prend vraiment beaucoup de temps, parce que c'est un énorme dossier. Mais je me suis intéressé à la partie médico-légale de l'affaire. Les faits, en fait, les constats de police et les faits. Alors, les faits sont très simples. Jean de Breuil est mort d'une balle. Alors, la balle n'a pas été tirée de face, mais de dos. Et il a pris une balle dans le dos, dans la nuque. La nuque, ça a traversé la nuque et c'est atterri dans la cage thoracique. Le tueur, celui qui a été arrêté, a tiré de face. D'accord. Il y a un autre tireur. On croirait l'affaire Kennedy, vous savez, la butte. Hein. Il y a la balle qui arrive de la bibliothèque et puis il y a peut-être l'autre tireur. Donc enfin, là, ça a devancé. Enfin, le fait est que le tueur d'ailleurs le décrit. J'étais devant le prince, j'ai tiré des coups et je suis parti en courant. Il a même pas vu le prince tomber. Donc, sauf que la balle est arrivée derrière. Ça veut dire que attendez, oui, mieux que ça, c'est que les deux balles, parce qu'il en a tiré deux quand même, hein, Gérard Fraîche, le tireur, ouais. Il a tiré deux balles. Sauf que ces deux balles ont été retrouvées intactes par terre. Elles étaient sous-chargées en poudre. Le flingue marchait pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il y a une deuxième équipe. Voilà, la fameuse deuxième équipe. Voilà, et ça veut dire que tout ce que l'on a raconté sur l'équipe, sur le commanditaire, ouais. Sur tout ça, et tout ça est du flan, quoi. et ça a terriblement bien marché, puisque on a entretenu l'affaire avec des révélations autour de Jean de Varga, de Pierre de Varga, autour de l'arène Pédo, tout ça de choses qui n'avaient strictement rien à faire. Un nuage de fumée, enfin c'est plus de la fumée là, hein, c'est un mur. Voilà. Donc, il y avait une deuxième équipe et cette deuxième équipe n'est pas identifiée. Alors, on va écouter une première archive extraite, si vous le permettez, de votre documentaire. Vous allez entendre la voix de Jean-Luc Ruiz, ancien officier de police judiciaire. Il témoigne d'une scène étonnante la veille du meurtre, alors qu'il était en patrouille à proximité de la rue... Le jour du meurtre. Alors qu'il était en patrouille à proximité de la rue des Dardanelles. Hein. On écoute. Je pense que la présence des renseignements généraux, avant de très bonne heure le matin, était bien liée à l'affaire de M. De Breuil. J'étais de nuit radio à la première brigade territoriale de police judiciaire. En police judiciaire, on regarde s'il y a quatre individus dans une voiture, c'est suspect la nuit. Hein ? Il était environ 7 heures du matin quand on a effectué cette ronde-là. L'enquêteur qui conduisait a dit, tiens, bah regarde, il y a des mecs dans une voiture. J'ai dit, bah attends, fais le tour, je reconnais cette voiture. C'était la voiture des Hergé. Elle est stationnée à l'entrée de la rue des Dardanelles. Je l'ai conduite pendant 3 à 4 ans, cette voiture. Donc on se met à côté d'eux pour leur dire bonjour et leur demander en même temps ce qu'ils faisaient là sans nous avoir avertis. Et au moment où on arrivait à la hauteur, moi j'étais passager, eux, ils sont partis comme des dingues, mais comme des dingues. Comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Bon, on voit que tout cela n'est pas très net et on va en arriver à une piste que vous soulevez dans votre documentaire. Donc ce serait un tout autre mobile pour cette affaire. Il serait une affaire de détournement d'argent d'une entreprise espagnole, la Matesa. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette piste-là qui semble être quand même la piste révélée dans votre documentaire. Oui, en fait c'est une piste qui est partagée en fait par d'autres investigateurs, notamment dans le documentaire. Je m'appuie sur une enquête assez récente menée par une équipe de journalistes espagnols de la Vanguardia qui s'intéressait à ce qui a été le plus grand scandale financier de l'Espagne franquiste, et même d'ailleurs de l'Espagne jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu pire. Il s'agissait d'argent public qui était détourné, de subventions publiques qui étaient détournées, qui étaient versées à une entreprise qui s'appelait Matesa et qui devait lui servir à l'aider à faire de la distribution internationale de ses produits, etc. Cet argent a été entièrement détourné et a abouti sur des comptes à l'étranger, notamment en Suisse. Et il se trouve que Jean de Breuil ne serait pas mort s'il n'y avait pas eu ce scandale en Espagne, mais surtout des magistrats espagnols qui ont recherché la piste de l'argent et qui sont remontés aux sociétés fictives qui ont été créées pour recevoir cet argent en Suisse et au Luxembourg. Et là, on tombe sur une société qui s'appelle Sodetex. Ouais. Et cette société, le responsable, celui qui est nominativement responsable, s'appelle Jean de Breuil. D'accord. Et cette société a été créée, en fait, pas par Jean de Breuil. Il a prêté son nom. Ah, on retrouve le prête-nom. Voilà. Et c'est dans au nom. Alors, en plus, c'était prestigieux, Jean de Breuil. Hein, ouais. Cette société a recueilli pour le compte du Parti des Républicains Indépendants de l'argent qui a financé le parti. Bon, donc, l'Espagne, les magistrats espagnols. Dans leur enquête, réclament à Jean de Breuil le remboursement de la totalité des fonds. D'accord. Qui ont été détournés. Mmh. Et Jean de Breuil ne peut pas payer. Et Jean de Breuil devient menaçant de révéler. Voilà, l'homme qui en savait trop. Et donc ce serait le mobile du crime, Ce serait celui-là. Alors, c'est ce qu'on développe dans ce film. J'ai bien dit, ce serait. Hein, on est voilà, on n'est pas des magistrats, on n'est pas des policiers. Ouais. Enfin, on voit ce que c'est les policiers dans cette affaire. Donc, oui. On voit ce que sont les magistrats dans cette affaire. Donc, voilà, on n'est ni l'un ni l'autre. Hein. Et quoi qu'il en soit, c'est effectivement là que se situe le problème, puisque peu de temps avant sa mort, quelques jours avant sa mort, Jean de Broglie affiche publiquement son abandon de Giscard d'Estaing, puisqu'il va se rendre à la porte de Versailles au congrès qui crée le RPR de Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il passe 76, décembre 76. Il passe du côté de Jacques Chirac avec tous ses dossiers. Des voilà. Dossiers qu'il confie aussi en double à des amis. Et sachant qu'à partir de 76, Jacques Chirac se lance dans une véritable guerre hein, contre Valéry Giscard d'Estaing. Absolument. Ça veut dire que de Broglie passe à l'ennemi. Absolument. Alors, parlez-moi, il reste que deux minutes, de ce Raoul de Léon. Qui est ce monsieur? Que faisait-il avec Jean de Broglie? Alors, il était son fondé de pouvoir, mais il était d'abord le fondé de pouvoir d'Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valéry Giscard d'Estaing. Mmh. Edmond Giscard d'Estaing étant celui qui est le véritable lien avec l'Espagne et avec ce que, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est très important dans cette histoire, l'organisation catholique qui s'appelle l'Opus Dei. Oui. Qui est la partie réactionnaire de l'Église catholique, oui, hein, conservatrice réactionnaire. En Espagne, et qui est née en Espagne. Enfin, en Italie, on l'appelle la Santa Mafia. Hein. C'est, bon, ah. Et donc l'Opus Dei est derrière tout ça, puisque de nombreux ministres du général Franco ont été mouillés dans l'affaire du scandale de la Matessa. Ils étaient tous des membres de l'Opus Dei. Alors, il y a un personnage quand même qu'on a évoqué plusieurs fois, c'est ce fameux Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur et qui s'asseyait mais alors tranquillement sur la séparation des pouvoirs. C'est un autre monde ça quand même. Ah oui, parce que s'il faisait son complexe quoi. Enfin, oui, je crois qu'on pourrait pas, on ferait pas ça aujourd'hui. Oui. C'est absolument. Non, mais je crois qu'on se permettait beaucoup de choses quand même à l'époque et qu'on avait quand même vraiment la main sur les institutions. En fait, on pouvait agir sur les chefs de la police. Hein, parce que on peut incriminer la police, mais ils étaient aux ordres. Ouais. Alors évidemment, ils ont l'air d'avoir obéi à des mauvais ordres. Mais ils étaient aux ordres. Alors, ils auraient pu, évidemment, dire quelque chose. Hein, ça, évidemment. Donc, époque saisissante, bon, ça va être le mot de la fin, on arrive à la fin de l'émission, à la fois des pratiques antidémocratiques, quasi mafieuses, et en même temps une presse plus libre qu'avant. C'est vrai, mais comme le dit Claude Angéli du Canard Enchaîné, les journalistes ont cru qu'ils étaient le quatrième pouvoir. Et ils ne l'étaient pas. Bon, merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, donc l'affaire de Breuil, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.